pourquoi je rappe. Parce que j'ai un instinct dénonciateur, proclamer la vérité en osmose avec mon cœur. C'est ma seule préoccupation depuis que l'homme perd ses repères. J'ai pas besoin d'être hypocrite pour garder mes pieds sur terre. Je dépose mes émotions sur des feuilles A4. Je noircis mes perceptions en restant libre de mes actes. Parce que les réactions d'orgueil se font bien trop tard. J'éclaircis chacun de mes pas afin d'avancer dans le brouillard. Alors je rappe, la larme à l'œil et la mâchoire serrée. Dans le malheur des miens comme des vôtres, je me sens concerné. J'ai de la peine quand je pense à tous ces êtres incarcérés. Ouais, j'ai de la peine envers tous mes proches décédé, vu qu'un cesse d'amour vaut plus que 100 mesures de haine. J'extermine sur mon parcours toutes ces choses qui nous malmènent. Convaincu que la solidarité est notre meilleur espoir, je rappe avec mon cœur dirigé vers la victoire. J'écrirai l'histoire sur des feuilles blanches quadrillées. La plume en exutoire, celle-ci m'empêche de plier. Le rap cette apologie qui défend ma vertu à l'aube de son apogée. En voici sa mise à nu. J'écrirai l'histoire sur des feuilles blanches quadrillées. La plume en exutoire, celle-ci m'empêche de plier. Le rap cette apologie qui défend ma vertu à l'aube de son apogée. En voici sa mise à nu. Chacune de mes proses reflète un battement de mon cœur. Une émotion et une pensée, avec elle j'apaise mes rancœurs. J'écris depuis des lustres et sans vouloir devenir artiste. L'évolution de l'homme me fruste et son hypocrisie matrice. Avec le cœur, une devise à laquelle je me rattache sans cesse. Que j'applique au quotidien dans chacun de mes faits et gestes. Mon rap cautionne une valeur, plus si un bonheur se dessine. Il ne prêche pas l'horreur sous un air d'humour pour avoir du style. Il se rend malade parfois lorsque l'amertume l'épuise. Et se rend compte que face au drame, seul ses proches l'animent. Moralité, mon rap cherche pas d'euros, préfère faire des heureux. Il ne rêve d'aucun Oscar mais garde sa conscience comme trophée. Et prisé d'un monde où le charisme s'obtient grâce à l'oseille, ou un simple ego trip traduit par des tonnes de querelles. Et si un jour son propre discours venait par changer, considère-le comme un homme rompu, sali par ses péchés. J'écrirai l'histoire sur des feuilles blanches quadrillées. La plume en exutoire, celle-ci m'empêche de plier. Le rap cette apologie qui défend ma vertu à l'aube de son apogée. En voici sa mise à nu. J'écrirai l'histoire sur des feuilles blanches quadrillées. La plume en exutoire, celle-ci m'empêche de plier. Le rap cette apologie qui défend ma vertu à l'aube de son apogée. En voici sa mise à nu. J'écrirai l'histoire sur des feuilles blanches quadrillées. La plume en exutoire, celle-ci m'empêche de plier. Le rap cette apologie qui défend ma vertu à l'aube de son apogée. En voici sa mise à nu. J'écrirai l'histoire sur des feuilles blanches quadrillées. La plume en exutoire, celle-ci m'empêche de plier. Le rap cette apologie qui défend ma vertu à l'aube de son apogée. En voici sa mise à nu.